Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les souverains ont leur médecin personnel, souvent plusieurs médecins d'ailleurs, et ils ont bien raison. À quoi sert de régner si le prince est en mauvaise santé? Car la santé du souverain est une question politique. Malade, il gouverne mal. Mort, ce sont parfois d'énormes tracas de succession. Et puisqu'ils sont au pouvoir et qu'ils en ont les moyens, les souverains ne se privent pas de médecins en nombre, une vraie cohorte. Des médecins qui ont l'oreille du souverain, à qui ils donnent des conseils pour se gouverner et pour gouverner le peuple, surtout en temps d'épidémie. Certains sont restés célèbres, tels Corvisart pour Napoléon Ier, Claude Gubler, le médecin de François Mitterrand. Ah, puis il y a aussi Chirac, bien sûr, Chirac. Pierre Chirac, médecin du roi Louis XV. Alors que c'est le docteur Labajon qui est le médecin de Jacques Chirac. Quel couple, le médecin et le prince. Car pour le peuple et pour le souverain, quand la santé va, tout va. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, gouverner, une histoire de l'exercice du pouvoir, gouverner par la peur, gouverner par les arts, ou encore gouverner sans culotte, oui, des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, c'est la balade de diffusion, des émissions à commenter sur le groupe Facebook du cours de l'histoire. Et aujourd'hui, gouverner par la science, quand les médecins murmuraient à l'oreille des souverains. Bonjour Marilyn Nicou. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'Université d'Avignon. Vous êtes spécialiste d'histoire de la médecine, de la santé. Et vous avez écrit des ouvrages évidemment consacrés à ces sujets, notamment les régimes de santé au Moyen-Âge, naissance et diffusion d'une écriture médicale en Italie et en France, 13e siècle, 15e siècle, ou encore le prince et les médecins, pensée et pratique médicale à Milan. Donc là encore, nous sommes au 15e siècle. Et puis vous avez plus récemment dirigé avec Laure Moulinier-Brogy l'écriture médicale, les écritures médicales. Discours et genre de la tradition antique à l'époque moderne. Il faut sans doute rappeler quelque chose avant tout et qu'on oublie souvent, ce cliché à détruire dès que l'on évoque le Moyen-Âge. Nos ancêtres du Moyen-Âge n'étaient pas des gens sales. Alors effectivement, nous vivons une époque où, depuis le 19e siècle en fait, on a un regard un petit peu négatif sur l'époque médiévale, un regard qui s'est d'ailleurs en partie constitué à l'époque des humanistes, sur ce long Moyen-Âge d'une époque effectivement de Dark Ages, comme diraient nos collègues anglo-saxons, et en particulier l'hygiène a souvent été considérée comme peu recommandé, peu pratiqué en réalité entre les grands termes antiques, la sociabilité des termes antiques, la civilisation romaine et puis non pas l'époque moderne d'ailleurs, parce que les travaux de Georges Vigarello montrent aussi que on est passé à des formes de toilettes de type sèche, donc où l'hygiène était tout à fait très différente de celle que nous pratiquons. Mais je pense qu'il faut effectivement remettre un petit peu en cause cette vision d'un Moyen-Âge sans hygiène. L'hygiène est au cœur des savoirs et des pratiques, des savoirs des médecins, des pratiques des hommes. Alors évidemment, en fonction des moyens et en fonction des contextes, tout le monde n'a pas un petit cuveau chez soi pour se baigner tous les jours, donc les pratiques sont plutôt hebdomadaires, plus limitées, mais nous ne vivons pas un Moyen-Âge effectivement aussi noir qu'on a bien pu l'imaginer. Et puis autre cliché à détruire, Marilyn Nicou, les médecins du Moyen-Âge ne sont pas des gens qui n'ont aucune formation et qui jouent avec de l'empirisme. Alors toujours cette difficulté dès que nous parlons du Moyen-Âge, qui est une période très longue, mais si nous nous plaçons à partir du XIIe siècle, nous avons des médecins formés. Oui, alors en fait, ce qui apparaît à partir de cette période que l'historiographie a qualifiée de renaissance, c'est la transmission dans le monde occidental latin d'une série de corpus textuels venus de l'Antiquité grecque et du monde arabo-islamique, qui ont permis vraiment l'essor d'une discipline rationnelle, une discipline qui est fondée sur la philosophie naturelle aristotélicienne et qui permet donc l'émergence d'une nouvelle médecine, une médecine savante. Et ce développement s'accompagne aussi de transformations culturelles profondes qui sont l'émergence d'écoles et surtout d'universités liées donc à ces écoles et qui vont être un lieu d'enseignement de ces savoirs médicaux et de formation avec un cursus d'études et de diplômes. Voilà, l'université est quelque chose de fondamental puisque nous avons des médecins qui sont désormais formés. Et Marilyn Nicou, vous évoquez cet aspect social de la place du médecin dans la société. Vu qu'il a une place sociale, il s'approche des élites, il est au plus près des élites de toute forme. Nous, aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous évoquons ce moment où les médecins murmuraient à l'oreille des souverains, mais nous pouvons changer souverain par prince, et puis nous pouvons changer prince tout simplement par ceux qui ont du pouvoir ou au moins des moyens. Oui, tout à fait. Alors, il faut avoir une vision un petit peu large. Effectivement, vous l'avez évoqué, de ce milieu médical, il n'est pas uniquement constitué, bien sûr, de cette élite savante. Il est aussi constitué d'une série de praticiens qui ont des noms très variés, des chirurgiens, des barbiers, qui ne sont pas automatiquement du tout même formés dans le cadre universitaire, mais à la boutique, et tout un ensemble d'empiriques, de charlatans ou de sages-femmes. Mais se dégage cette élite, et cette élite, évidemment, cherche, comme toutes les élites aussi, à côtoyer d'autres élites, à construire des carrières. Et ces carrières se font dans le cadre universitaire, principalement, mais aussi de plus en plus, à partir du XIIIe siècle, dans les milieux de cour. Ces cours où les princes, comme vous l'avez évoqué en introduction, ont ce souci du corps, de leur santé, parce que c'est un garant du bon gouvernement de soi et du bon gouvernement des autres. Oui, parce que être médecin à la cour a des avantages évidents, des avantages matériel quotidien. C'est quelque chose qui va paraître très éloigné à notre 21e siècle, mais être médecin à l'université, bon, ne rapporte pas beaucoup, alors que trouver un petit métier à côté auprès du souverain, ça rapporte beaucoup. Non, mais il y a toujours cette démarche-là d'être auprès du puissant. Alors, pour tirer bénéfice de ce que donne le prince, et puis la clientèle aussi qui en découle. Tout à fait. En fait, ça permet de construire ce qu'on appellerait aujourd'hui des réseaux. Donc le réseau de la cour, être au service du prince, c'est s'assurer aussi d'être au service d'un certain nombre d'autres familiers ou de la famille même du souverain dont on peut avoir la charge. Donc ce sont effectivement des carrières lucratives, des carrières recherchées. Ce sont aussi des carrières périlleuses parce qu'il faut être en capacité aussi de répondre à des attentes bien précises. Or, le métier médical, pas plus aujourd'hui qu'il ne l'était hier, est un savoir sûr et certain. Donc le médecin peut être aussi mis en échec devant ses thérapies. Donc c'est aussi, ce sont des carrières qui peuvent être dans certains cas très longues et dans certains cas rendues difficiles par le contexte. Oui, parce que c'est un contexte de cour, et dans les phénomènes de cour, nous savons que la disgrâce peut arriver très vite. Alors quand on est médecin en plus, si on se plante dans les remèdes que l'on prescrit. Vous avez étudié particulièrement, Marilyn Nicou, l'Italie du Nord. Nous sommes 13e, 14e et particulièrement le 15e siècle, ce monde qui est fascinant, de cette structuration de l'Italie avec ses cités-états. Si nous prenons un cas que vous connaissez bien, si nous allons faire un petit tour à Milan, comment se construit ce monde médical autour du prince? Alors en fait, on est un petit peu ennuyé parce que la documentation n'est pas la même pour l'ensemble de la période médiévale, et notamment pour l'avènement de cette dynastie qui va construire un état territorial, la dynastie d'abord des Visconti, qui est relativement moins bien documentée en raison de pertes donc des archives. Donc on est obligé de reconstituer par d'autres sources, mais disons que c'est essentiellement à partir effectivement du moment où se construit progressivement ce nouveau pouvoir seigneurial dans une Italie effectivement d'un long passé communal, que les princes vont vouloir également s'assurer d'un lieu de formation d'un personnel médical qui sera la création assez tardive de l'université de Pavie en 1361, reconnue par diplôme impérial, et qui va servir de vivier en fait de recrutement pour le 15e siècle essentiellement à ce milieu médical qui me semble assez florissant, assez nombreux si on le compare même à la cour de France à la même époque. Et ce personnel, donc issu en partie de cette université, va suivre une carrière importante auprès du prince. Voilà, il est toujours auprès du prince, et évidemment le médecin intervient au moment où le prince est malade. C'est ainsi que nous le concevons aujourd'hui. Quand nous sommes malades, nous allons voir le médecin. Je vous propose d'écouter la lecture d'une lettre par Olivier Martineau. C'est un médecin, donc il s'appelle Gaspare Venturelli, qui se justifie du traitement qu'il a infligé à Francesco Sforza. Donc nous sommes à Milan. Il explique auprès de Bianca Maria, et il écrit cela le 28 octobre 1458. Parce que votre seigneurie veut comprendre de ma bouche la raison de la purge que j'ai faite à présent à sa seigneurie Francesco Sforza, de l'électuaire et ainsi des sirops que sa seigneurie a reçus et des pilules qu'elle prendra ensuite, j'avise votre seigneurie Bianca Maria que j'ai à présent fait cette purge, non pas parce que sa seigneurie aurait eu quelque douleur, ni par signe de quelque chose de mauvais qu'on percevrait par la grâce de Dieu chez sa seigneurie, mais seulement pour nettoyer, faire évacuer du corps de sa seigneurie les humeurs superflues qui, en ces temps de mutation, ont l'habitude parfois de faire varier les personnes. Et cela, je l'ai même fait avec le conseil de Monseigneur et de Maître Antoine. Et sa seigneurie s'en trouve jusqu'à présent grandement satisfaite. Ben voilà, sa seigneurie en est grandement satisfaite. Le médecin est extrêmement content dans cette lettre d'octobre 1458 où le médecin Gaspare Venturelli s'est occupé du prince. Et là, nous avons, Marilyn Nicou, ce que l'on attend d'un médecin, c'est-à-dire qu'il fait des traitements. C'est ce qu'on attend de base. Alors c'est ce qu'on attend, mais on n'attend pas que ça. Effectivement, on attend qu'il soit présent en cas de crise, on fait appel à lui. Mais ce que montre en particulier ce milieu médical milanais, c'est que ces médecins, et certains d'entre eux, sont régulièrement présents auprès des souverains, notamment aussi auprès des héritiers, et que donc on se soucie non seulement en période de maladie, mais également en termes de prévention, en termes de conservation de la santé. Et je pense que ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, c'est de voir à quel point, pour la médecine antique et médiévale, la santé, le maintien de la santé, sa conservation est une préoccupation médicale qui fait l'objet donc d'un discours et de pratiques. On n'attend pas, parce qu'on sait aussi à quel point les thérapies peuvent être dangereuses. Oui, vous avez évoqué, Marilyn Nicou, l'héritage antique pour la médecine médiévale. C'est Galien, le grand médecin d'Antiquité, qui évidemment ressurgit. Dans la lettre que nous avons écoutée, la lecture d'Olivier Martineau, il y a ce mot... électuaire, je ne connaissais pas, j'ai été voir, donc c'est une sorte de pâte molle qui ressemble un peu à du miel. Nous, les médicaments, nous les prenons sous forme de pilules ou de sirop. Il y avait une autre forme possible. Il y avait plusieurs formes possibles, mais on a également des sirops et des formes aussi de pilules. Donc il y a diverses formes de préparation médicale, effectivement. Et ce sont souvent donc cet héritage antique, des plantes transformées, ça demande une énorme connaissance. Nous avons des médecins qui connaissent très très bien alors l'héritage antique. Bien sûr, et là c'est livresque, et puis la réalité de ce qui se passe autour d'eux. Oui, tout à fait. Alors après, le travail est prescrit par le médecin et il est les fabrications, c'est l'œuvre de l'apothicaire qui prépare sous les consignes des médecins les préparations adaptées donc aux pratiques thérapeutiques. Donc oui, c'est un savoir qui se transmet par le biais de livres. Alors certains sont des héritages de l'Antiquité. Il y a tout un renouvellement médiéval aussi de ce savoir qui se diffuse dans le cadre universitaire et puis dans le cadre de la boutique. Pour ce qui est des apothicaires. Oui, voilà, parce que vous l'avez évoqué à Marilyn Nicou, nous parlons des médecins qui sont au plus près des souverains, bien sûr, mais il y a tout un monde énorme, un monde médical. Ceux qui sont au plus près des souverains sont des gens qui sont présents sans cesse, vous nous l'avez dit, ils ne sont pas là qu'au moment de la maladie. Nous imaginons bien dans cette vie de cour, donc dès lors, des discussions. Nous réfléchissons dans le cours de l'histoire à ce que signifie gouverner par la science. En fait, par la vie de cour, tout simplement, le médecin discute sans cesse avec le souverain. Alors il discute non seulement avec le souverain, mais ce qui peut aussi nous paraître peut-être plus surprenant, vous avez évoqué tout à l'heure les médecins de François Mitterrand ou de Jacques Chirac, alors comme des personnes uniques, je pense qu'ils ne l'étaient sans doute pas, mais il y avait une sorte de médecin référent. Pour l'époque médiévale, on a sans doute aussi des médecins référents, si on prend l'exemple de la cour de France, on a un premier physicien du roi, mais en même temps, il y a tout un aréopage en fait de praticiens qui sont autour du souverain. Ils ne sont généralement pas seul, pratique à plusieurs, donc parle avec le prince, mais parle aussi entre eux, et dans l'alcôve au chevet, à proximité de la chambre du prince, ils délibèrent pour trouver la meilleure thérapie possible. Donc on a vraiment affaire à des pratiques également collectives dans ces milieux de cour. Oui, dans le prince et les médecins, pensée et pratique médicale à Milan, Marilyn Nicou, vous le montrez bien, le prince bien sûr, il est au centre, mais les médecins, parce qu'il y a plusieurs médecins autour de lui. Et puis comme nous sommes dans une société de cour, il y a tous les courtisans. C'est une véritable œuvre collective. On peut vraiment mettre en place cette réflexion de réseau et d'influence qui passe par le médecin ou qui naît du médecin. Tout à fait, parce que ça peut faire aussi circuler une série de vraies ou de fausses rumeurs. Hein, là, il y a une forte communication, ce qui était intéressant dans le cas milanais, parce que les sources le permettent, au moins pour la seconde moitié du 15e siècle. Elles sont à ce titre, je pense, en partie exceptionnelles. C'est cette communication médicale, ce sont ces lettres rédigées par un ou plusieurs praticiens et qui diffusent des informations et qui en même temps justifient ou s'auto-justifient des pratiques thérapeutiques qu'ils ont mené, parce que la rumeur, bon, vous êtes bien placé aussi en travaillant sur la cour napoléonienne pour le savoir, la rumeur est partie intégrante de ces milieux de cour. C'est essentiel, effectivement, vous avez raison Marilyn Nicou, nous n'imaginons pas ce que signifie vivre tous dans un palais, enfin si, nous avons fait des colocations pendant les vacances, mais c'est un peu la même chose, c'est énormément de rumeurs, de discussions, et l'information circule très vite, et vous avez évoqué l'importance de ces lettres. Eh bien, je vous propose la lecture par Olivier Martineau d'une autre lettre. Alors celle-ci, elle est signée Francesco Sforza, donc nous sommes toujours à Milan. Une lettre datée du 25 juillet 1460 où Francesco Sforza évoque ses médecins et le traitement qu'il se voit infliger, mais qui n'est pas réellement un traitement, c'est plutôt un mode de vie. Nous avons reçu une lettre de votre seigneurie par laquelle elle nous avise de sa bonne convalescence et de l'amélioration de son état. Nous croyons que désormais, sa seigneurie aura très peu besoin des médecins. Ce que nous croyons, car avec cette amélioration, il lui viendra l'appétit de manger de façon variée des choses et plus encore de boire, et ses médecins le lui interdiront. Nous la confortons à vouloir leur faire interdire ces choses auxquelles elle aspire, telles que les melons, les fruits et d'autres choses encore, les faisant rester un jour encore sans boire de vin, comme nous l'avons nous-mêmes fait ces jours-ci avec notre maître Gaspard quand il fut malade, et que nous lui avons fait interdire le vin et les autres choses qui le mettaient en appétit, pour lui faire éprouver ce qu'il nous réserve quand nous avons quelque mal. Dans cette lettre du 25 juillet 1460, écrite à Milan, nous entendons comment se construit autour du prince des conseils de vie. Donc là, en l'occurrence, éviter les melons, les fruits, il faut interdire le vin. C'est très important, Marilyn Nicou, de souligner combien la présence des médecins autour du prince, et plus globalement autour des puissants, signifie, avant d'être malade, il faut organiser sa vie. Avant de gouverner le peuple, j'ai envie de dire, il faut se gouverner soi-même. Exactement. En fait, ce que montre cette lettre, c'est la difficulté à accepter d'être sous un contrôle médical quotidien. C'est un peu comme si vous deviez suivre une diète et une hygiène de vie décidée par un médecin tous les jours de votre vie pour espérer rester en bonne santé et vivre le plus longtemps possible. Donc ça, c'est ce que préconisent les médecins, puisque comme je le disais, ils savent que leurs thérapies peuvent être plus dangereuses que d'avoir de réussite. Et donc, il faut autant que possible conserver sa santé par ces régimes de santé. Et ces régimes de santé sont un petit peu le versant médical d'un régime politique, hein, de ce que sont aussi les miroirs des princes, ces conseils de bon gouvernement qui ont une dimension plus domestique, une dimension plus personnelle, avant d'avoir une dimension également morale et politique. Et donc, on voit bien la difficulté, et on peut la comprendre, d'appliquer chaque jour, comme le montre Francesco Sforza qui s'adresse à son épouse en lui disant que bon, bientôt rétabli, elle pourra se moquer de toutes ces règles de vie qui lui sont imposées, et notamment le plaisir des fruits, hein, puisque, comme le disait Pétrarque, les médecins passent leur temps à nous dire qu'il ne faut pas en manger, alors que ce sont les choses les plus délicieuses que la terre puisse donner. Oui, parce qu'il y a ce parallèle qui est fait entre le corps du prince et puis le corps social qu'il gouverne. Donc le prince doit être en bonne santé. C'est essentiel, cette image-là. Donc, le médecin présent auprès du prince a un rôle aussi politique en ce qu'il sert à mettre le prince en valeur. Tout à fait. En fait, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on voit se développer cette présence médicale dans ces milieux de cour et auprès des souverains, puisque bon, la durée de vie et l'espérance de vie aux époques médiévales est évidemment beaucoup plus brève pour diverses raisons qui ne sont pas que sanitaires, du reste, hein, qui sont aussi le fait de mener la guerre et rendre nécessaire donc cette présence médicale et rendre nécessaire ces règles de vie qui, comme je le disais, donc sont ce pendant un petit peu sanitaire de préceptes plus politiques. Alors ensuite, ce qu'on voit également, c'est que certains de ces médecins n'ont pas que des fonctions médicales et peuvent aussi avoir des fonctions de conseiller, d'ambassadeur, avoir un rôle qui dépasse quelque peu les attentes ou les manières dont nous pourrions les concevoir. Oui, ces médecins, vous les connaissez, Marilyn Nicou, vous les avez étudiés. Ces médecins, donc, ont cette figure qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, de médecins, mais il faut étendre, en fait, leur activité. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui va prescrire un médicament, nous l'avons compris. Il est aussi là pour donner des conseils de vie aux souverains, mais ça peut aller encore plus loin. Vous avez évoqué des rôles liés à la diplomatie, ce qui va nous conduire à une réflexion plus générale sur l'art de gouverner. Tout à fait. Alors après, ils ne sont pas, évidemment, ils ne participent pas de la décision elle-même, hein, qui relève du prince ou de son conseil, mais ils peuvent être des messagers, des ambassadeurs, des conseillers auprès du prince en matière politique, en matière de ce qu'on appellerait aujourd'hui la santé publique également. On peut leur confier des missions. J'évoquais dans le travail que vous avez plusieurs fois cité ces missions d'ambassade auprès de la cour de Mantoue pour examiner une princesse qui était destinée à épouser l'héritier ducal, Galeazzo Maria Sforza, et qui se révèle être bossu. Donc, en fait, les médecins font rendre impossible, en fait, le futur mariage, hein, en raison de cette gibosité qui rendrait cette jeune fille théoriquement stérile selon les médecins. Donc, effectivement, leur sphère d'influence peut en partie dépasser le cadre strict, on va dire, d'une pratique médicale quotidienne. Voilà, bossu, gibosité, et voilà, encore un nouveau mot, c'est quand même très très bien, France Culture. C'est mon côté cuistre. Et nous aimons beaucoup ça. Ils m'ont drogué avec des boules roses qui m'ont forcé à dormir. France Culture. Ce qu'il appelle les boules roses, c'est du dragonal. J'en ai donné à haute dose, il a à peine somnolé 2 heures. Le cours de l'histoire. C'est un costaud, hein. Vous, l'apothicaire, je vous ordonne de me laisser partir sur le champ. Un instant et on y réfléchit. Je ne suis point malade ni faux dingo. Xavier Mauduit. Docteur, libérez-le. Bon. Je le laisse sortir parce que votre mari est médecin et qu'il a bien voulu me signer une décharge de responsabilité. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous sommes les visiteurs de ce passé. Quand les médecins murmuraient à l'oreille des souverains, il n'est pas nécessaire de souligner qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Nous le savons bien et que tout ce que nous pouvons dire avec vous, Marilyn Nicou, sur ces médecins du Moyen-Âge et notamment ceux qui sont autour des Sforza à Milan, font écho à ce que nous vivons aujourd'hui. Vous nous avez dit aussi que les médecins, dès qu'on sait manger des fruits, c'est drôlement ballot parce qu'il y a un fruit qui est exceptionnel, ce sont les tomates. Moi, je conseille d'en manger, il faut manger sain, il faut manger des tomates, c'est ce que chantait Jacquari. Entrez. Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez sain, mangez frais, mangez des tomates. Tomates nuit et jour, ça donne une bonne mine, c'est plein de vitamines, vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs, délaissent les patates pour ce fruit écarlate, la tomate en salade ou tomate farcie. À l'opéra, en chantant la Tosca, un grand ténor ayant manqué le la, en reçu ce soir-là, des tas, sa femme en sortant de là le consola. Mange des tomates, mon amour, mange des tomates nuit et jour. Ça donne une bonne mine, c'est plein de vitamines, vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé. Commençant par ces mots, supprimons la bombarde, supprimons la la la et remplaçons la par ce fruit délicat. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. À la tombe qui éclate, préférons les tomates. Les tomates, ça fait mal quand ça tombe sur le nez. Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé. Mange des tomates, mon amour. Voilà, Jacques Harry qui chante les tomates dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena et Ligue avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. En écoutant ces tomates, Marilyn Nicou, vous m'avez dit, c'est vrai, c'est très sain comme fruit, mais c'est un peu anachronique, hein, parce que... Légèrement. Elle commence à être découverte au 15e siècle et 16e siècle. Donc on va dire que nous n'en sommes pas loin. Ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire aujourd'hui sur France Culture, c'est ce moment où le médecin murmure à l'oreille du souverain pour lui donner des conseils pour lui-même en tant que souverain, bien se soigner s'il est malade, bien se comporter dans la vie et adopter un régime alimentaire, un régime d'hygiène qui convient, et puis après, les conseils portés au souverain. Ces conseils que peuvent porter le médecin au souverain, Marilyn Nicou, ont une incidence sur la cité elle-même, la cour, le palais, et le symbole de la cité idéale. C'est une réduction d'un monde rêvé, et il faut que la cité soit de même. Il y a des réflexions sur l'hygiène, sur l'assainissement des rues, par exemple. Alors oui, ça ne touche pas automatiquement la cour. On revient aussi à ce que vous évoquiez au début, ce monde communal italien, un petit peu une sorte de laboratoire de la modernité qui a émis dès les fin 12e, début 13e siècle, une série de statuts qui concernent effectivement l'hygiène, l'évacuation des déchets, le ravitaillement en eau potable, la qualité des denrées sur les marchés. Alors il est peut-être difficile ici d'y voir un modèle médical ou une influence directe, moi en tant qu'historienne, vous me le reprocherez pas, je serai tant que j'ai pas de source pour l'attester, je ne dirai pas qu'il y a un lien direct entre le savoir médical et les pratiques gouvernementales de ces cités, mais il est certain que avant même l'épidémie de 1347-48, il y a des préoccupations qui concernent cette santé des populations et qui apparaissent à travers cette législation. En revanche, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le médecin apparaît également dans l'espace italien au service des cités, c'est-à-dire un petit peu comme dans le monde romain, et après une longue interruption, on voit réapparaître des médecins salariés par les villes au service des populations les plus pauvres, les soignant souvent gratuitement, et leur rémunération est prise en charge par la ville. Donc un embryon, si vous voulez, de service de santé très minimal, bien sûr, mais qui montre que la santé est devenue une préoccupation du bon gouvernement. Oui, nous voyons se dresser hein, ce panorama qui est rassurant d'ailleurs hein, des médecins autour du prince et puis au plus près du peuple, poussés par le pouvoir, quelques médecins qui s'occupent des plus pauvres. Oui, mais voilà, vous l'avez évoqué Marilyn Nicou, 1347-1348, c'est là qu'arrive la peste et avec elle va tirer la fronde. Ce sont des sorciers ! Ouais ! Mort aux païens ! Mort aux juifs ! Ça, criez! Criez pour masquer votre peur! Est-ce que les Sarrasins sont épargnés par la peste? Et les Juifs? Est-ce qu'ils n'en meurent pas? Comme vous mourrez demain! Et avez-vous oublié que si Dieu envoie la maladie, il envoie aussi le remède? Tiens, il cite le Coran. Vous savez, c'est aussi dans le Talmud. La peste, vous l'attribuez à ces médecins étrangers qui passaient. Vous y voyez une preuve de sorcellerie. Je reconnais dans leur présence une volonté supérieure à nous tous. En brûlant ces médecins, que Dieu a la bonté de nous envoyer en même temps qu'il déchaîne sa colère, vous donnez raison à sa fureur. Vous la méritez bien, vous qui n'avez pas le respect de l'homme. Oui, vous mourrez. Car la peste est partout. Dans l'eau que vous avez bu ce matin, dans le repas que vous avez pris, dans l'air que vous respirez, dans le son des paroles que vous échangez. Ce n'est peut-être pas très scientifique. Non, mais c'est joli. Voilà, c'est très joli. C'est un extrait de la série télévisée Thierry Lafronde en 1963. Oui, nous sommes au 14e siècle et là, il se passe quelque chose d'essentiel dans le rapport que les possédants ou les souverains, les gens de pouvoir peuvent avoir avec leur médecin, c'est l'arrivée de l'épidémie, l'épidémie de peste. Est-ce qu'à ce moment-là, Marilyn Nicou, les princes écoutent un peu plus leur médecin ? Alors en fait, là aussi, il faut revenir un petit peu sur l'historiographie qui a souvent cité un certain nombre d'auteurs, à commencer par Boccace ou Matteo Villani, pour montrer l'inanité des savoirs médicaux, décrier la couardise ou l'esprit de lucre des médecins qui fuyaient ou demandaient beaucoup d'argent pour ne pas guérir. Et il faut revenir un petit peu sur cette image qui est en partie fausse, puisque l'on voit bien que les cités ou encore les souverains s'adresse aux médecins, alors évidemment pour essayer de trouver des thérapies à la peste, mais se rendre compte aussi très rapidement que cette maladie est létale. Donc il s'agit surtout d'essayer de comprendre les mécanismes, comprendre les causes, et d'essayer également de mieux la distinguer et de mieux la prévenir. Donc un certain nombre de textes sont rédigés à la demande de ces autorités, à commencer par le roi de France Philippe VI, qui s'adresse à la célèbre faculté de médecine de Paris pour lui demander un conseil en 1348, ou alors de la propre initiative des médecins qui s'adressent, tels Gentile da Foligno en Italie, à Pérouse, ou encore Jaume d'Agramont à Lérida, qui s'adresse au consul de la ville, de leur propre initiative, donc pour des conseils prophylactiques afin d'essayer d'enrayer l'épidémie de peste ou de s'en prévenir. Oui, le conseil est essentiel. D'ailleurs, c'est le rôle du médecin. C'est le médecin conseiller auprès du prince, bien sûr. Et puis, en moment d'épidémie, il y a le rôle de celui qui va chercher l'information. Le médecin est aussi chargé de ça, d'informer le souverain de ce qui se passe dans sa cité, dans son royaume. Alors oui, effectivement, alors ça peut être tout simplement à l'occasion aussi d'un déplacement des souverains qui mandatent au préalable des médecins pour s'assurer de l'état sanitaire des régions qu'ils vont visiter. On voit très bien ça en Savoie, on a conservé une documentation comptable avec des missions de médecins pour vérifier la qualité de l'air, puisque, rappelons-le, on pensait qu'effectivement l'air était responsable de l'épidémie, puisque c'était le seul facteur qui permettait d'expliquer que tout le monde soit contaminé dans un même lieu et à grande échelle, mais également ces médecins peuvent être aussi sur le terrain comme thérapeute avec les moyens du bord, puisqu'on sait très bien que cette maladie, notamment dans sa forme pulmonaire, était particulièrement létale, mais également, et ça change un petit peu la fonction du médecin, pour, vous me permettrez cette expression un petit peu très moderne et très anachronique, de médecine de dépistage en quelque sorte, c'est-à-dire en étant obligé, et c'est le cas en particulier à Milan, de dénoncer tous les cas qu'ils avaient à traiter, et de dénoncer notamment les cas de pestiférés. Donc on les voit sur le terrain aussi en train de désigner ceux qu'il faudra mettre à l'isolement parce qu'ils sont potentiellement des agents du développement de l'infection dans la cité. Donc leur rôle ici dépasse un petit peu les attentes classiques. Ils sont du côté de la prévention, mais ils sont aussi au côté, finalement, du côté de la dénonciation de cas suspects. D'ailleurs, Marilyn Nicou, si nous restons dans les expressions anachroniques, c'est vrai qu'elles servent parfois à comprendre. Les gestes barrières au Moyen-Âge existent, au sens où les médecins peuvent donner des conseils de pratiques de vie pour limiter une épidémie. Tout à fait. Alors ces gestes barrières, effectivement, ne portent pas ce nom-là, mais c'est une invention somme toute très récente. Eux-mêmes, alors ce n'est pas du tout l'image que l'on a généralement, que l'on montre ces médecins vêtus d'une longue cape avec un grand bec, c'est une image du XVIIe siècle. Mais en revanche, ils se munissent eux-mêmes, souvent d'éponges imbibées de vinaigre, et ils recommandent de ne pas s'approcher effectivement trop près, parce qu'ils ont conscience de cette contagion, une contagion qui peut se faire par expectoration de gouttelettes de salive, par la simple exhalaison de la respiration qui va contaminer l'air et donc le rendre infectieux. Donc il y a des séries de conseils qui sont donnés et qui sont des gestes barrières, si vous le voulez, avant la lettre. Voilà, et puis si nous voulons continuer à jouer sur les anachronismes, il n'est pas question encore de confinement en zone rouge, écarlate plus, et un peu plus rouge encore, enfin tout le nuancier possible. Non, il y a aussi cette réflexion d'isoler. Alors d'isoler des gens, ça, ce sont les léproseries. Ce n'est pas rien déjà pour les lépreux, mais enfin, isoler des malades. Et puis ensuite, fermer des zones. Et ça, c'est aussi une réflexion qui vient du monde médical, qui est conseillé au souverain ou que le souverain prend avec l'avis de ses médecins. Alors là aussi, je ne sais pas si les médecins ont été directement sollicités sur ces prises de décision, mais il est certain que le fait de les facteurs explicatifs de la contagion, qui étaient à la fois l'air et puis cette promiscuité, le fait d'être en contact avec des personnes contaminées, a conduit à des prises de mesures qui apparaissent alors parfois assez rapidement au moment de la survenue de l'épidémie en 1348, parfois quelques dizaines d'années plus tard, où l'on fait l'expérience répétée de la peste, mais on voit se mettre en place effectivement des cordons sanitaires, des isolements de ville, le fait d'empêcher la circulation des biens et des personnes entre diverses régions, hein, des régions qui sont infectées, les fameuses zones écarlates dont vous parlez, et des zones qui sont encore restées saines. Et donc on voit se mettre en place différentes mesures à une échelle plus individuelle, l'isolement des personnes chez elles ou dans des lieux de quarantaine, à l'extérieur de la cité, et la mise en place aussi de véritables quarantaines, de 40 jours en règle générale à cette époque, et non pas la quatorzaine que nous pratiquons aujourd'hui, qui permettent d'isoler donc les individus contaminés. Voilà, et donc ce rôle des médecins est drôlement intéressant, parce que j'aime beaucoup, Marilyn Nicou, la prudence que vous faites preuve, vous êtes historienne, avec toujours cette difficulté des sources sur cette période que nous évoquons particulièrement, hein, le 15e siècle, mais on peut l'étendre à ce Moyen-Âge et puis même juste après, sur ce rapport qui est compliqué entre le médecin et le souverain, au sens où la proximité, donc la parole, ne laisse pas particulièrement de sources. Alors on peut les retrouver où ? Dans les lettres, évidemment. Alors on les retrouve, pour ce que je connais mieux, effectivement, dans cette documentation qui concerne l'office de santé, qui était une sorte de bureau de santé avant la lettre, inventé dans l'espace milanais. C'est une magistrature, en fait, mais qui est constituée aussi de tout un personnel, parmi lesquels, dans lequel travaille également un médecin et un chirurgien de l'épidémie. Et cette magistrature a généré donc une production documentaire qui est assez saisissante si on la compare à d'autres espace de l'Italie, c'est-à-dire des listes de morts, mais des listes de morts qui, à la différence de cités comme Florence, étudiées en particulier par Anne Carmichael, sont des listes où il y a un diagnostic médical qui est établi avec le nom du médecin qui a fait le diagnostic, alors soit post-mortem, soit les personnes ont été vues de leur vivant, et qui nous permet de savoir qui était déclaré pestiféré, qui ne l'était pas. Donc là, on voit cette médecine de terrain à l'œuvre, non pas d'un point de vue thérapeutique, mais de ce fameux dépistage dont je parlais tout à l'heure, et qui nous montre clairement une manière assez directe, hein, d'intervenir sur le terrain de la maladie pour décider de l'isolement des populations. Et on voit du reste aussi qu'un certain nombre de lettres adressées, de suppliques adressées au souverain, montre à quel point cette politique est décriée, peu acceptée. Ça nous fait quelques échos aussi à notre monde contemporain, parce que c'était effectivement une sorte de mort sociale, voire de mort tout court, qui était prévue pour ces personnes mises à l'isolement. Et puis, sur ces questions de proximité et de sources liées à cette proximité, ou de manque de sources parfois liées à cette proximité, vous nous dites, Marilyn Nicou, que vous bénéficiez donc de documents. Et puis, il y a l'existence même, la vie des médecins, des parcours de vie qui nous aide à comprendre aussi un cheminement intellectuel, une proximité à la cour, par exemple, et puis certains qui s'en éloignent. C'est le cas, par exemple, d'un médecin suisse. Alors, on est un tout petit peu plus tard, on est au XVIe siècle, il s'appelle Paracelse, et il nous est présenté par le philosophe des sciences Gaston Bachelard. C'est dans l'émission Connaissance de l'homme, le 20 juillet 1950. Paracelse ne dédaigne pas la sagesse populaire. Il en a toute sa vie une hostilité contre les théories de Galien. Toute sa vie, il méprisera les livres. Toute sa vie, il veut observer la nature avec des yeux neufs, comme dans sa jeunesse et dans son adolescence. Dès lors, il ne cesse de marcher, de voir ailleurs, de questionner partout. Dans chaque pays, il y a, répète-t-il, des maladies spéciales, mais il y a aussi des médications spéciales. On le dirait, à la recherche d'un vaste folklore médical cherchant à trouver la vérité sous toutes les superstitions. Voilà, Gaston Bachelard qui évoque donc ce médecin Paracelse, il l'évoque à la radio en 1950. Marilyn Nicou, il y a aussi ce dialogue entre les médecins qui laisse énormément de sources. Les médecins ne travaillent pas de manière isolée. Là, nous en avons un qui parcourt le monde, qui réfléchit les savoirs de Galien adoptés, mais sont remis en cause. Il y a une vraie vivacité de dialogue entre les médecins sur la manière de lutter contre les épidémies et puis même plus globalement pour obtenir une bonne santé. Oui, alors effectivement, peut-être dépasser là aussi l'image très éculée d'un monde médiéval très sclérosé qui serait celui de l'université, de la scolastique, avec une répétition toujours la même, hein, de mêmes préceptes, de mêmes connaissances, sans avancée du savoir médicaux. Alors c'est vrai que dans le cadre de la peste, il a fallu attendre la fin du 19e siècle, hein, pour connaître à la fois l'agent responsable de l'épidémie et l'agent pathogène, mais il y a une vraie vivacité de la production médicale qui est attestée par un grand nombre de manuscrits et d'éditions, qui continuent d'ailleurs pour certains auteurs continuent à être édités jusqu'au cœur du XVIe siècle et qui montrent bien à quel point la peste en particulier, mais pas seulement, parce que la peste, nouvelle maladie, a fait l'objet de plusieurs centaines, hein, d'ouvrages rédigés à son propos. Il y a une vraie objectivation de la maladie, mais plus largement dans le domaine de la chirurgie, dans le domaine des savoirs physiologique, dans le domaine de l'anatomie aussi, on voit se développer ces savoirs à travers cette production qui montre un vrai vivier, une vraie florescence de la pensée, loin de la vision sclérosée que nous en avons parfois. Et ce vivier de pensée, alors sans que le médecin conseille directement le prince, a une influence sur la manière de gouverner, au sens où nous voyons de manière très nette se développer, ou en tout cas s'affirmer des choses qui existaient déjà, une attention sur les métiers qui polluent, la boucherie, ça met du sang partout, il faut faire attention, la nécessité d'assainir les villes. Et cela est né alors de ce dialogue, mais non pas au sens d'individu à individu, d'un dialogue plus général autour de ces questions de santé. Oui, alors après, ça mettra évidemment beaucoup de temps. La ville médiévale ou la ville moderne restent des lieux assez pollués, hein, dans leur ensemble, mais on a montré aussi que la ville romaine l'était tout autant, malgré les égouts, les systèmes d'égouts qui existaient. Mais disons que les préoccupations de santé font l'objet désormais, alors déjà avant la peste, je l'ai dit, dans l'espace italien, et sans doute la peste a accentué des phénomènes qui existaient, qui sont cette préoccupation pour la santé des populations, pour assurer autant que possible un service de santé. On le voit aussi avec la multiplication des hôpitaux, qui sont des lieux à la fois charitables, mais dans certains cas deviennent aussi des lieux avec une présence médicale et un service médical, donc une assurance et une assistance, hein, qui se développe et qui font partie de ce gouvernement, de ce bon gouvernement que la peste a peut-être révélé, mais c'est en fait un moment plus large, une pensée plus large qui mêle effectivement savoirs médicaux et pratiques et savoirs politiques. Et puis dans ce regard plus large, nous pouvons aller jusqu'à aujourd'hui, et c'est vrai que le confinement rappelle la quarantaine. Nous entendons régulièrement que dans tel ou tel pays, les rues ont été nettoyées, ça se fait un peu moins depuis quelques mois, mais Marilyn Nicou, vous tissez sans cesse comme ça des relations entre ce que vous avez étudié au Moyen-Âge, particulièrement à Milan, au XVe siècle, et puis au moment de la peste, avec ce que nous vivons aujourd'hui. Hein. Oui, mais je pense que tout historien qui travaille un petit peu sur ces questions est amené à le faire, et face à un moment qui est en partie anxiogène, et je ne vais pas critiquer les médias puisque je suis auprès de vous ce matin, mais aussi, hein, une manière de présenter les choses qui peut être anxiogène. Je pense que le regard critique et distancié de l'historien permet de mettre un petit peu de distance et de réflexion sur notre situation présente, non pas automatiquement pour la minimiser, ni pour faire des comparaisons qui seraient totalement anachroniques et inutile, mais des formes d'analogie qui nous permettent à vraiment, je pense, à la fois de penser le présent et de relativiser en partie, hein, évidemment la crise démographique que nous connaissons. Il ne s'agit pas ici de passer sous silence, hélas, les décès qu'elle a occasionnés, mais on parle de crise épidémique, hein, donc qui dit crise épidémique dit une certaine mortalité, ça semble essentiel, mais bon, si on le rapporte à des crises de l'époque dont nous avons parlé, on est à peu près à 40 ou 50% de la population qui disparaît, donc ce sont des taux de mortalité qui n'ont rien à voir. Le seul épisode que qu'on puisse comparer, c'est la peste espagnole. La grippe, pardon. Voilà, j'ai tendance toujours à étendre mon Moyen-Âge beaucoup trop longtemps. Donc la grippe espagnole de 1919-1920. Donc ça nous permet aussi, je pense, comme historien, ce moment présent de penser un peu peut-être différemment aussi ces épisodes du passé sur lesquels nous travaillons. Donc pour moi, je dois dire que c'est une expérience en partie aussi intéressante, mais je pense que ce regard critique nous est à tous... Il est salutaire parce salutaire, que voilà c'est salutaire. Salutaire, mais oui, mais c'est la santé avant tout. Non, mais c'est très intéressant et c'est pertinent. Il faut le rappeler sans cesse. Hein, ce regard de l'historien, de l'historienne sur le présent et le passé, et de regarder un petit peu la nécessité d'analyse en fait face à l'afflux d'informations que nous voyons partout. Bien, merci beaucoup Marilyn Nicou de nous avoir parlé de ce temps où les médecins et les souverains pouvaient dialoguer et comprendre une complexité. Cette complexité qui nous intéresse et qui nous aide à comprendre aujourd'hui. Et pour le moment, dans le cours de l'histoire, il est l'heure de retrouver Anaïs Quin avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, aïe aïe aïe, la peste. Oui, mais la peste noire n'a rien changé au Moyen-Âge. Quand on cherchera les traces de l'épidémie de Covid-19 qui sévissait en 2020, on trouvera des décrets de loi, des journaux de confinement très nombreux, une inflation de cours de yoga dans les archives du web et des masques bricolés à partir de soutien-gorge et de vieux draps. On trouvera aussi des banderoles de soutien aux soignants, des PV de contravention infligés aux contrevenants aux injonctions légales. Mais on constatera surtout l'affirmation répétée d'un profond désir de changement. Un monde de demain qui aurait pris acte de l'événement et de ses causes, un paroxysme du ras-le-bol, avec ou sans effet sur la suite, l'histoire nous le dira peut-être. Parmi les grandes épidémies qui ont sévi, l'histoire des lendemains de la peste noire au XIVe siècle nous montre pourtant qu'une catastrophe de cette nature et de cette ampleur n'appelle pas forcément à la révolution de la société qui l'a subie. Et ce qui fait unanimité auprès des historiens, c'est que justement, malgré ce traumatisme profond, sur le moment, rien n'a changé. Patrick Boucheron l'évoque dans un épisode de la série historique diffusée sur Arte, Quand l'histoire fait date. Ce qui est frappant pour les historiens de l'Europe, c'est que on peut faire un tableau apocalyptique de la peste, mais fondamentalement, elle ne change rien. C'est comme si ce monde qui a été terrorisé par la peste, eh bien, d'une certaine manière, ne doutait pas de lui-même et repartait, je ne veux pas dire comme si de rien n'était, mais en tout cas sur les mêmes bases. La peste fait son apparition à Marseille en 1347 et se propage partout en Europe en tuant un tiers de la population totale et la moitié de la population urbaine. En 5 ans, cette épidémie fait entre 25 et 45 millions de morts et accède au statut de pire catastrophe du Moyen-Âge, dont on conserve des traces exclusivement en creux, en déchiffrant les silences et les détails. L'augmentation du prix de la cire pour les cierges, très demandée, l'arrêt des travaux en cours ou encore l'augmentation du nombre de messes organisées pour célébrer les défunts au moment de leur enterrement. Sur un registre notarial conservé dans les archives du Vaucluse, le passage de la peste se lit par le changement d'écriture, alors que la rédaction reprend seulement 2 ans après la dernière annotation du prédécesseur disparu. La vie continue donc, on remplace les morts autant que possible, mais une question reste, pourquoi cette catastrophe a-t-elle si peu changé les choses dans les manières de penser, d'agir, d'obéir et de croire ? You can't always get what you want, but if you try sometimes, well, you might find you get what you need. Pour la médiéviste Claude Gauvard, il est possible que le constat de cette colère divine incarnée par la maladie ait pu alimenter l'idée de réforme politique et religieuse jusqu'à la réforme protestante qui va bouleverser la chrétienté 2 siècles plus tard. En réponse à cette manifestation de vengeance divine, on ambitionne de purifier les mœurs perverties et un retour à une vie plus sobre est préconisé. L'état naissant de la royauté française en sort également plus fort avec le renforcement de l'emprise de ses institutions sur une population très diminuée. Mais le point le plus important, semble-t-il, le plus intime, c'est que l'on a appris à mourir seul. L'individualisme a pris davantage de place dans la société et a exacerbé la xénophobie et le repli. La recherche de boucs émissaires se traduit par de nombreux pogroms contre les juifs notamment, et Claude Gauvard conclut dans un entretien publié le 27 mars, au tout début de la crise sanitaire, que si certains piliers humains subsistent à travers les siècles et entraînent des réactions similaires, il faut espérer que les conséquences de la crise actuelle soient plus positives qu'au moment de la grande peste médiévale. On le souhaite patiemment avec elle. On le souhaite avec elle, évidemment. Merci beaucoup Anaïs. On retrouve la page du Journal de l'Histoire et tous les liens vers les textes et les vidéos que vous avez cités sur notre site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast et la balado-diffusion. Et demain, demain nous restons en Italie. Après gouverner par la science, alors que nous étions à Milan avec les Sforza, nous allons aller juste à côté, gouverner par les arts, mais cette fois-ci, ce sera avec les Médicis.